Dis-moi tout, où est-ce que t'en es, Flore? Raconte un peu. Dis-moi. Vas-y, raconte. Demain, tu vas voter. Qu'est-ce que tu vas voter? Est-ce que tu sais ce qu'il en est? Tu sais qui a bossé? J'ai peur des idéologistes qui agitent des mots, parce que c'est leur projet à nous rabâcher qu'on est assisté. Et tu sais, c'était vrai, c'était les premiers à prendre des conseils privés, alors qu'ils savaient pas qu'il faudrait dire que la Startup Nation, c'est pas ce qu'on nous avait annoncé. On dirait que gérer un business, c'est pas comme un état, c'est vrai. Ils sont plantés, ils vont nous refaire. Il faudrait pas se tromper, il faut dire que leur poste, c'est ceux qui ont écrit toute la presse. C'est toujours tous ceux qui ont le message, c'est vrai. Pourtant, ils ont jamais osé esprit méchant. Ils ont jamais tapé aussi fort sur les gens. Dis-moi, demain tu fais comment? Dis-moi, Flore. Dilemme, problème, mieux un mec qui a des idées dont on peut discuter plutôt qu'un mec qui a quoi, un projet, un truc nébuleux dont il peut faire ce qu'il veut, et à un programme qui a été fait par les mecs qui sont depuis 5 ans au l'hémicycle pendant 5 ans et ils ont bien bossé. Que faire, t'as pas les mots pour dire quoi, y'a pas d'espoir, la récession arrive aussi vite que le changement climatique. De toute façon, organisons-nous l'entraide, la solidarité. Est-ce que t'as vu la pyramide des âges en France? Tu sais qu'on va pas y arriver si jamais tu vires. Ceux qui font peur à tous les vieux. Même si on les garde, y'a pas de renouveau, y'aura pas de adieu, ce sera fini. Même plus personne pour travailler, je sais pas si tu te rends dans le confinement, y avait plus personne pour ramasser le raisin, du blin, enfin il va en manquer, du blé, du maïs, qui pour ramasser s'il y a plus de polonais, vu qu'on est en train de les laisser se faire tuer, mais faut arrêter, on a besoin d'immigration, enfin d'action, pourquoi rejeter tous ceux qui se sont usés pour arriver jusqu'ici? Faut du courage, du mérite. Y'a que le tri est déjà fait. Si t'es là, t'es un survivant. On les veut pas contre nous. À la frontière, on les veut pas contre nous. Ils font tout pour surmonter la misère. Offrons-leur chez nous. On n'est plus assez. Faut réaliser la pyramide des âges, tout le monde peut la consulter. La peur pour ta culture, c'était il y a 25 ans qu'il fallait réagir. Maintenant, c'est dément, c'est juste que tu perds tes dents. Ouvre les yeux, c'est maintenant. Il faut partager pour qu'on accepte de nous aider. Tout n'est pas gagné, tout n'est pas perdu non plus. Si jamais on sait s'organiser, faut planifier. Arrêtez de les laisser profiter de chaque crise. Ils savent que gérer, on a besoin de quand recul, on a besoin de ne pas s'aligner. On a besoin de s'indigner. La misère, c'est pas beau, ouais. Même un enfant de 4 ans le sait. Et toi aussi, tu le savais. Comment ça se fait qu'ils t'ont changé? Où est-ce qu'il est? L'enfant. Celui qui voulait le bien. Où est-ce qu'il est? Où es-tu? Petite fleur, où es-tu? Sinon sous le soleil, sous les rayons, sous l'ardeur, où es-tu, petite fleur? M'aideras-tu? Où es-tu, petite sœur, petite fleur? Te souviendras-tu pour avoir été dans la merde? C'est que la solidarité fait de l'humain une belle entité, sinon c'est chacun pour sa gueule. Je crains. On ne dure pas très longtemps sinon. Ça ne dure pas très longtemps sinon. Ça ne dure pas très longtemps sinon. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Il y en a assez pour toi et pour moi. Qu'est-ce que tu crois? Je crois au meilleur. Si je me débat pas, si je ne survis pas, qu'est-ce que tu crois? Je ne veux voir que le meilleur. Je veux reposer mes yeux sur toi, qu'est-ce que tu crois? Le meilleur de toi, de moi, de nous. C'est ça la solidarité. Partager de toi, de nous. Semblable de toi, de nous. Ce que je veux partager, solidarité, solidarité. J'ai pas les mêmes facilités que toi, tu sais. Pour utiliser les mots. Pour dire. Ne dis pas ça, ça marche très bien sur moi. J'étais tout comme ça, j'étais tout comme toi. Ne dis pas ça, ça marche très bien sur moi. J'en étais tout plein des mois. J'en étais là, dis-moi. Et toi, et moi, et moi, et toi. De jouir, de penser, à dire. Thank you. ça ne va pas changer le monde. Mon cœur saigne, il veut rester ouvert, ouvert au meilleur, pour changer, changer tout ce qui me déplaît, tout ce qui... Mon cœur s'est serré dans ton corset, à transformer, à transcender, à transmettre. Mais bien évidemment que les actes sont eux aussi importants. Être que gagner. Pas un seul sauveur. La liberté ne peut que ensemble. Nous sommes détenteurs de nos peurs. Les mots sont faits Le verre. Vas-y, on est tout seul. Vas-y, vas-y, on est tout seul. Vas-y, on n'est rien qu'à deux.